Bonjour, moi je m'appelle Denis Regnault. Je fais chanter, je fais faire de la musique aux enfants des écoles de Châteauroux. Je dépends du conservatoire, mais je travaille dans les écoles. En général, le CE2 au CM2, c'est-à-dire 9-10 ans, avec des exceptions sur des CP-CE1, 7-8 ans. Mais c'est tout à peu près. On va pas chez les maternelles ni au collège. Moi, c'est surtout au niveau du chant, ça s'entend pas facilement au niveau de ma voix, mais moi, je fais beaucoup de chant parce que c'est l'instrument le plus simple à avoir. Les enfants en ont tous un avec eux. C'est pas la peine de casser les finances à acheter plein d'instruments. La voix, tout le monde en a une. Et en fait, la différence avec les CP, c'est qu'un CP, c'est jeune, donc ça n'a pas beaucoup de vocabulaire, on sort des chansons, donc il y a vraiment des répertoires types pour les petits et des répertoires un peu plus évolués, voire pratiquement la même chose que les adultes pour des CM. C'est vraiment la seule différence qu'il peut y avoir. Et le temps de concentration, évidemment, on travaille moins longtemps avec des petits qu'avec des grands, quoi. Moi, je travaille en général par séance d'une trois quarts d'heure, une heure avec des classes de grands. Avec des petits, il ne faut pas dépasser une demi-heure, quoi. Et encore, en se renouvelant, en changeant d'activité toutes les 10 minutes, quoi. Un petit peu de rythme, un petit peu d'écoute de morceaux, un petit peu de chant, un petit peu de jeu. Alors qu'avec des grands, on peut mener à bien des projets spécifiques, donc avec une certaine rigueur au niveau du répertoire. Il faut qu'on ait, on a une année scolaire pour atteindre un point, et on peut charger un peu plus. Les grands, ils ont une capacité de concentration un peu plus grande, quoi. On est deux à Châteauroux, hein, y a un collègue. Puis depuis cette année, la métropole a embauché encore un troisième qui, lui, rayonne sur la métropole autre que Châteauroux. Nous, on est deux Châteauroux intramuros. Et en fait, il y a trois axes de travail possibles. Il y a les projets qu'on appelle personnalisés, c'est-à-dire que là où les écoles, par rapport à leur projet d'école, nous proposent un projet, nous disent cette année, on travaille sur la mer, par exemple. Donc, on veut faire un truc sur la mer. Donc, à nous de trouver un répertoire, de mettre tout ça en ligne, de faire pour qu'au bout, il y ait une petite finalité qui soit 99% un spectacle. Donc ensuite, les projets que nous, on présente, c'est-à-dire les projets en collaboration avec le conservatoire, puisque quand même, on dépend du conservatoire. Donc cette année, par exemple, au mois de juin, on a fait les petits loups du jazz, où là, il y avait les classes de danse du conservatoire, le big band du conservatoire, les chanteurs du conservatoire, plus on a mis, nous, 5-6 écoles à nous, on mélange tout ça. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, un festi-école, qui est un truc qui reste confidentiel, parce que ça fait au moins 10-15 ans que ça existe. C'est un festival qu'on organise, nous, tous les ans, à la salle Édith Piaf, pendant 2 semaines au mois de mai, qui est subventionné par la Caisse des écoles de Châteauroux. Dans ce festi-école, là, qui n'est pas public, parce que malheureusement, on n'a pas de salle à Châteauroux qui permette d'accueillir et les parents d'élèves et un public lambda. Donc, c'est vraiment un truc réservé à l'école pour les parents des enfants qui chantent, en fait. Là, c'est des projets un peu plus évolués qu'avec Manu, on met en place, on a fait Les Misérables. Nous, on présente, puis les écoles, ah oui, ça nous intéresse, on y va. Toutes les écoles ont un projet, mais après, il y a des écoles qui travaillent pas avec nous parce que, à l'intérieur de l'école, ils ont un institut musicien, par exemple, qui, lui, prend en charge ce côté-là. Après, il y a des écoles que ça intéresse pas parce qu'ils sont pas branchés musique, ils sont plutôt branchés art plastique sur leur projet. Donc, tous les ans, ça tourne, ça change. La chorale, d'une manière générale, c'est important parce que c'est vraiment la musique dans toute sa splendeur est accessible facilement. C'est-à-dire que le principe de la musique, c'est de jouer avec des gens. C'est pas rester tout seul dans son coin, c'est de jouer avec des gens, de chanter avec des gens. Il y a un côté fédérateur. Quand on est gamin, on aime bien tout ce qui est... Moi, je sais, quand j'étais petit, j'aimais bien les fanfares, les machins comme ça, parce que je voyais les mecs tous pareils, en fait. En uniforme, costume... Pas de distinction. Et c'est fait de projets chorales, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que le mec qui est mauvais en classe, par exemple, ou qui, pour raison X ou Y, parce qu'il se comporte mal, pour des raisons que chez lui ça va pas ou des choses comme ça, il peut d'un seul coup trouver, ou nous on peut trouver, il a une voix terrible ce mec-là, puis c'est lui qui va passer devant à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les codes sont bougés. Et le côté tous ensemble, C'est vachement fédérateur. Moi, je sais que quand j'étais môme, ça me plaisait beaucoup. J'ai suivi un cursus musical. À l'époque, nous, ça me vient du collège, mais on jouait dans les orchestres de flûte à bec, le truc le plus horrible qui puisse exister au monde, quoi. Sauf que moi, c'est là que j'ai eu envie de faire de la musique. C'est en jouant dans les orchestres de flûte à bec, quoi, avec des copains. Je trouvais ça magique qu'il y a un mec qui fasse un signe et puis que d'un seul coup, tout le monde se mettait à jouer à peu près, à peu près la même chose et puis qu'il y ait une harmonie, il y a une, et je trouvais ça assez magique, quoi. Et c'est toujours le cas, et la chorale, il y a toujours des histoires, ou culturelles, parce qu'il y a des gens qui chantent pas, il y a des cultures où c'est pas très bien vu de chanter, mais finalement, au bout du temps, ça s'y met, ça arrive, et puis il y en a qui sont pas intéressés par le projet, parce que maintenant, à 12 ans ou à 11 ans, quand on est en CM, on commence déjà, c'est vraiment la préadolescence bien sentie, il y a des endroits, c'est chaud, quoi. Et c'est naze, etc. Puis d'un seul coup, non, en fait, finalement, quand ils voient le truc avancer, arriver au bout du compte, tout le monde y participe, et puis ça se termine souvent en apothéose. On a jamais, moi, enfin, en 35 ans de carrière, j'ai jamais eu de four, quoi. Jamais on a fait un truc avec les gamins qui n'a pas marché, quoi. On peut être exigeant au niveau de la musique comme au niveau de l'école. Enfin, c'est un truc. Les enfants, en fait, faut pas avoir peur d'être exigeant avec eux parce qu'ils sont capables de faire des trucs super, quoi. Et donc, moi, je leur dis carrément, on n'a pas de pression. Hein. Si c'est pas bien, moi, je vous emmène pas devant des gens. C'est pas parce qu'on est des mômes qu'on va chanter, qu'on va faire n'importe quoi devant des gens, puis que les gens vont dire bravo, c'est super, parce que c'est papa, maman, quoi. Non, non. Si on va chanter devant des gens, c'est qu'on est capable et c'est que ça va être bien. Et j'ai vraiment jamais été déçu, quoi. Jamais, jamais. Et jamais, jamais je serai déçu, j'en suis sûr, parce que c'est une façon de faire, c'est une. Et puis, malgré que les enfants changent avec le temps, moi, je vois maintenant, ça fait un petit peu vieux briscard de dire ça, mais je vois en 35 ans, les choses ont changé, les enfants changent énormément. Mais c'est un truc général, enfin, je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes, les parents changent, donc moi déjà maintenant j'ai une deuxième génération, c'est-à-dire que j'ai des enfants qui viennent me dire « Ah, t'as fait chanter ma maman quand elle était petite, etc. » Et c'est pas les mêmes personnes, quoi. Puis l'attention change, les réseaux sociaux, tout ça font que les gamins, ils ont une concentration qui s'étiole vachement. Moi, je sais qu'en 2000, on avait monté un projet où il fallait apprendre 21 chansons avec les gamins, et c'était passé. Là, maintenant, en 2025, quand on en fait 10, 11 dans une année, c'est vraiment une année faste, quoi. Ah ouais, la capacité d'apprentissage descend. Il faut leur raconter des histoires, il faut arriver à les emmener. Par exemple, moi, là, pendant 2 ans avec Manu sur le Festi-École, on a monté Les Misérables, qui est une comédie musicale qui est malheureusement absolument inconnue en France. Elle est à l'affiche à Broadway et puis en Angleterre tous les soirs. Et c'est vraiment un truc super. Et puis c'est à partir de Victor Hugo. Donc c'est un truc monument de la littérature. En CM, il y a des versions des Misérables et édulcorées faites pour les CM, etc. Ben, on leur raconte l'histoire du truc, quoi. Et on fait écouter au fur et à mesure les personnages, les chansons et ça. Les Misérables, c'est compliqué, c'est un gros pavé, il y a des personnages, ça se croise de partout. Et finalement, au bout du compte, quoi, moi j'ai des parents d'élèves qui sont venus me voir à la fin du spectacle cette année, là, qui m'ont dit on a bouffé Misérables toute l'année, quoi. C'est-à-dire que la gamine, elle allait, ça pour les, du coup, les réseaux sociaux, c'est valable, mais elle allait sur YouTube voir les versions, qui chantait, voir les films, la version avec Ventura, avec Depardieu, enfin. Et maintenant, ces mômes-là, ils sauront ce que c'est que Les Misérables, ils connaîtront Victor Hugo, et en fait, quand on les emmène dans une histoire, et ben c'est, mine de rien, c'est encore des enfants. Donc, le côté histoire est très, très, très important. Faut que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, c'est pas la vie qu'ils vivent tous les jours, quoi. Donc, même si dans Les Misérables, c'est toujours d'actualité, il y a des rapports qui sont toujours les mêmes 200 ans après, mais c'est vraiment le côté histoire, le côté on raconte aux enfants une histoire, on les emmène ailleurs, quoi. On les sort un petit peu de la vie normale, quoi. Prendre l'exemple d'une école des cartes, là où on a fait un petit conte pour enfants sur les abeilles parce qu'ils avaient une ruche à l'école, etc. Et le directeur de l'école voulait qu'on fasse un petit projet sur les abeilles. Le problème, c'est qu'en regardant à droite, à gauche, à part Maya l'abeille, puis ça avait, on fait vite le tour, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, on est parti sur une création. C'est-à-dire qu'en premier trimestre, moi, je n'ai pas fait de musique avec les enfants. J'étais dans les classes pendant une heure avec chaque classe par semaine. On avait défini des rôles avec les adultes. On avait un canevas avec les adultes. C'est-à-dire que là, c'est des écoles. Faut que les enseignants soient partants parce que c'est hors temps scolaire. C'est les soirs après l'école où on se retrouve. Et où on avait défini des rôles, entre guillemets, une petite histoire. Et le but, c'était que les gamins participent à l'écriture des chansons, quoi. Donc après, je passais une heure. Donc on faisait une liste de vocabulaire en rapport avec ce qu'on voulait. On mettait en forme, etc. Moi, je crois qu'aux vacances de Noël, j'avais commencé à écrire quelques musiques sur certains trucs. J'avais lancé des idées que je leur ai chantées dès la rentrée de janvier. Et genre, il y avait 2-3 idées par personnage, par chanson. Et là, c'est eux qui choisissaient. Ouais, moi, je préfère celui-là avec ce rythme, je préfère, etc. Puis on est arrivé à une fin d'année où on a fait un spectacle. On avait joué dans l'école. Mais ça nous arrivait de jouer au Mac 36 sur des créations, avec des créations de A à Z, avec cette même école des cartes, là, avec 12 chansons créées en une année scolaire. C'est-à-dire qu'en septembre, on n'avait rien. Et mi-juin, on jouait au Mac 36 devant 2000 personnes, avec le brass band de la musique municipale qui venait nous accompagner sur des titres. Enfin, grosse machine, quoi. C'est du boulot, mais c'est tout à fait faisable. Et ça me plaît beaucoup. Mais les trois quarts du boulot, ce sont des choses qui existent, quoi. Nous, on va chercher des chansons. Notre boulot, c'est de trouver du répertoire en rapport avec les projets adéquats. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai des écoles qui faisaient le thème sur le Vendée Globe Challenge, par exemple. Donc, on a monté une petite histoire, etc. Mais c'était qu'à partir de chansons existantes à ce moment-là, quoi. Il n'y avait pas eu de création. C'est un autre travail, mais c'est tout à fait faisable et tout à fait réalisable. Et ça s'est déjà fait, et puis j'espère que ça sera encore. En tant qu'enseignant au conservatoire, il y a des profs du conservatoire qui sont là, que j'ai eu gamin dans mes chorales, qui sont maintenant profs, qui sont maintenant des collègues, quoi, que j'ai eu dans les chorales. Donc on se dit que nous, notre but, c'est pas un centre de recrutement du conservatoire, mais notre but, c'est de donner le goût à la musique à des mômes, qui est un autre moyen d'expression que celui qu'ils ont à leur disposition, quoi, facilement. Et en fait, le fait de voir que des gamins qu'on a eu comme élèves sont dans le métier, on se dit que on s'autorise à imaginer qu'on y ait participé un petit peu, quoi. Qu'un jour ils se sont dit ah ouais, moi je veux faire ça, ou je veux. Alors c'est peut-être pas que grâce à moi, c'est grâce à toute l'équipe, mais il y a quand même un truc où on se dit que finalement il y a des mômes qui sont extraordinaires, qui ont des talents, mais même de nos jours, là il y a des enfants qui feront jamais rien dans la musique. Mais il y a des gamins qui chantent terrible, qui ne savent même pas qu'ils ont ça dans les doigts, quoi. Et c'est des gamins qui pourraient continuer, qui pourraient faire des écoles ou trucs, et puis qui pourraient être chanteurs professionnels, mais sans aucun problème, quoi. Ça m'est déjà arrivé de parler à certains parents. On était très en rapport avec un monsieur qui s'appelait Rodolphe Pierrepont, qui pendant très longtemps a dirigé les petits chanteurs à la Croix de Bois, là, mais les canteries, là. Et ces petits chanteurs à la Croix de Bois, c'est tout à fait dans les âges de ceux que nous, on touche, quoi. Donc ça vient du CE2, après jusqu'au collège, mais il y a toute une part d'école primaire. Il y a certains parents à qui je leur ai dit, écoutez, je vais vous le donner un numéro d'un copain qui s'occupe des petits chanteurs, et j'aimerais bien qu'il aille passer une audition, un truc comme ça, pour voir ce que ça donne, quoi. Il y a vraiment des enfants qui ont des trucs qui savent pas, ils ne sont pas au courant, mais qui ont des trucs exceptionnels. On en trouve un tous les ans. Moi, j'en ai 2-3 cette année, là, qui, je sais que si un jour ils ont envie de faire quelque chose, ils pourront le faire. Parce qu'ils ont les prédispositions physiques, techniques, parce qu'il y a un côté aussi où c'est un don de la nature, qui se travaille forcément après. Mais après, d'avoir une voix, un truc, une façon de s'exprimer, il y en a plein, hein. Il y en a plein, il faut aller les chercher. Il y a des enfants qui ne veulent pas chanter, mais souvent c'est des problèmes culturels, c'est des problèmes de certaines religions ou de certaines cultures où on ne chante pas. Bah, nous déjà, on n'est pas une culture très axée sur le chant, les Français, hein, par rapport aux cultures d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est, où là, moi je suis, tu vois, en plus je suis d'origine polonaise, moi, donc ça m'est souvent arrivé d'aller traîner de l'autre côté du mur et d'aller voir les gens, et tu vas même en Bulgarie ou dans des trucs comme ça, dans les églises le dimanche, mais même en Afrique, si tu veux, les gens qui chantent, c'est le commun des mortels qui est là, et ça chante à 2-3 voix, naturellement. C'est un truc, c'est une culture, quoi. Ils chantent depuis tout le temps. Nous, la France, on n'est pas très basé sur ce chant-là. Les pays nordiques, c'est monstrueux, quoi. Les gamins, ils chantent à l'école depuis qu'ils sont tout petits. Et vraiment, les meilleurs chœurs, les meilleures chorales qui existent, ça vient souvent de là-haut, quoi. Suède, Norvège, Finlande. Là, c'est des histoires culturelles souvent. Hein. Il y a d'autres qui ont d'autres trucs au niveau de la culture. Et nous, bon, alors en France, c'est vrai qu'on est un pot où il y a plein de cultures. C'est un pays avantageux pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de partout, quoi. Donc il y a des endroits où, où le chant est vénéré, et puis il y a des endroits où on ne chante pas, quoi. Et puis qu'on ne peut pas chanter, quoi. Mais ça se guérit vite. Parce que l'effet de groupe fait que. C'est très rapide que la personne qui ne voulait pas chanter se met à chanter très rapidement. Quoi. Je leur dis rien de spécial, moi. Je les prépare surtout avant, leur disant que c'est l'aboutissement du travail de toute l'année. Donc ça, c'est pas très compliqué à ce qu'ils comprennent ça. Surtout, eux, ce qui les gêne sur la scène, c'est le public, évidemment. C'est-à-dire que le fait que leurs parents voient ça, on n'a pas besoin de dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a très peu de discipline à faire. Ben, moi, je leur explique juste que leur comportement, c'est 70% du boulot. Parce que j'ai dit, si je les emmène sur scène, c'est que ça va être bien au niveau musical. Il faut que ce soit absolument calé musicalement. Après, je leur explique bien que pour un public, de voir des gens qui se tiennent bien, c'est 70% du boulot, quoi. C'est-à-dire une chorale qui, à un moment, on a des petits mouvements, on a des trucs à faire, mais une chorale qui réagit tous en même temps, au même moment, c'est vachement plus impressionnant que des choses qui se passent à droite, à gauche. Un qui se retourne pour parler avec son voisin, un qui se gratte la tête comme ça. Enfin, il y a la tenue. Nous, on est vachement à cheval là-dessus sur la façon de se tenir des enfants sur scène. Et les parents, on se rend compte que les parents sont très... Genre, il y a des parents qui disent « Mais moi, j'imaginais pas que mon gamin puisse rester 45 minutes comme ça, sans mettre une patate à son voisin, ou sans tirer les cheveux de sa voisine. » Et elle dit « Il est capable. » Ouais, ils sont capables. L'effet de groupe fait que c'est vraiment un groupe qui se constitue et que tout le monde est responsable de tout le monde, quoi. Donc, il y en a un qui fait une ânerie, toutes les gens vont dire « Ah... » C'est pas terrible, ça, sans viser spécialement quelqu'un, mais c'est le groupe complet qui prend. Donc on a vraiment pas spécialement besoin de leur dire énormément de trucs. Ils sont vraiment, quand ils montent sur scène, il y a toujours des fanfarons hein, dans les groupes. Mais les fanfarons, ils fanfaronnent jusqu'à la répétition générale. Et dès que le rideau s'ouvre et que les lumières s'allument et qu'il y a vraiment deux trucs, les fanfarons disparaissent, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont conscience. Souvent, les fanfarons, ils sont un peu plus intelligents que les autres. Ils vont un peu plus vite. C'est souvent pour ça qu'ils fanfaronnent. Mais là, tout devient un claque. Et puis c'est bien que tout est lissé. C'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'ont pas de problèmes, on ne sait pas qui. On ne sait pas si, tiens, lui, non, lui, oui, non, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire tout le monde marche dans le même sens, tout le monde chante la même chose, réagit au même geste. Donc du coup, c'est un côté social extraordinaire, les chorales. Bah, les ensembles de musique, d'une manière générale, ça a été créé pour ça. D'abord, c'est assez instinctif les gestes qu'on fait. Enfin, je veux dire, on a des gestes pour faire signe de plus fort, de moins fort, parce qu'on réagit sur tout. Il faut vraiment de la musique sur scène, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des passages qu'on veut moins fort, on fait des gestes, donc ils comprennent. Moi, j'ai un petit problème, c'est que quand je travaille avec eux toute l'année, je suis au piano. Donc, j'ai les mains prises. On travaille au piano, on fait les jeux au piano, tout ça. Donc, j'ai les mains prises. Il y a vraiment que quand on arrive un mois et demi, deux mois avant le spectacle, où là, souvent, je quitte mon piano parce qu'on met des bandes son, parce que justement, on veut avoir les mains libres, on veut être... Et là, je me mets à les diriger vraiment avec les mains, leur expliquer les trucs. Mais c'est des gestes qui sont communs à pratiquement tous les chefs de chœur, et ils sont communs à tous les chefs de chœur parce que justement, ils sont assez instinctifs, quoi. D'ailleurs qu'on comprend vite ce que je veux, suivant mes yeux, suivant la tête que je fais. Ils savent très bien, quand ils ont fait une ânerie, ils voient à ma tête qu'il y a un truc qui n'a pas été, puis tout de suite ils font le lien. Non, mais c'est assez simple pour eux, puisque ce sont des gestes universels. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, ce jour-là, je suis malade, je peux pas remplacer. Mon collègue vient, mais il n'y aura pas grande différence, ils vont parfaitement comprendre, quoi. Je suis pas issu vraiment d'une famille de musiciens. Ma mère, elle, mes parents m'ont mis au piano de cours privés quand j'étais môme, à 5-6 ans. J'ai eu 2-3 profs privés, comme ça. Et puis, un truc important, c'est quand je suis arrivé en 6e, en général, la 6e, à partir de là, la musique, ça s'arrête, parce que la musique au collège, c'est souvent une catastrophe. Les gamins, ils en veulent pas, c'est pas leur... Enfin bon, on n'étudie pas la musique qu'ils étudient. Tu commences à étudier, puis on commence à se forger un caractère, etc. Et moi, exceptionnellement, je suis tombé sur un prof de musique, un mec super, Robert Massonneau, pour pas le citer, le fils de Jacques Massonneau, qui était donc maire adjoint à la ville de Châteauroux à l'époque, sous Jean-Yves Gâteau. Et Robert était prof de collège à Déol, et moi je suis un gars d'ici, hein, donc j'ai été faire de la musique avec lui. Et lui, paradoxalement, justement, dans ses cours de musique, il n'y avait jamais le bordel. C'était toujours calé, c'était toujours... et j'ai appris plein de trucs. Et je me suis dit, ben, je pense que chacun fait son métier, parce qu'un jour, il a croisé une personne, puis il a dit, je veux faire comme lui, quoi. Je veux être lui, quoi. Donc, ce gars-là, là, quand j'ai fini mes années de collège, il m'a sincèrement dit, tu devrais continuer dans la musique. Donc, je me suis inscrit au lycée Pierre et Marie Curie à l'option musique, il y a quelques années, dans les années 80. J'ai passé un bac musique, que j'ai eu... Alors j'étais pianiste moi de base, ouais, j'étais vraiment pianiste à la base. Ensuite j'ai fait une année de musicaux à Tours, et là c'était tout ce que je détestais, désolé les amis de la musicaux, tout ce que je détestais en musique, c'est-à-dire côté... Bah, c'était fait pour enseigner uniquement la musique en collège, musicaux je trouvais, moi, que on a... Enfin, on était trop sur des choses qui s'étaient déjà passées, qu'on pouvait analyser, mais qu'on n'en retirait rien pour maintenant. Enfin bon, c'était un côté un petit peu poussiéreux. Et fallait qu'on apprenne bêtement des choses que, bon, que je trouvais, enfin, qui ne servaient pas dans la vie des années 80, quoi. Donc du coup, j'ai fait une année musicaux, et là, j'ai laissé tomber. Et ensuite, j'ai fait de la psychologie pour enfants pendant un an. Je me suis dit, j'arrête la... Et après, j'ai entendu parler d'un centre qui m'a sauvé la vie, c'est justement les CFMI, les centres de formation de musiciens intervenants, c'est les endroits où on délivre les DUMI, donc les diplômes que j'ai. Et il y en avait un à Tours, à Fondette, et ça c'était des études en 2 ans, et c'est un bac, un DE, quoi, c'est un bac +2, et à la fin, c'était tout au début, on pouvait se faire embaucher dans les mairies, justement, pour intervenir dans les écoles. Et moi, j'ai essuyé les plâtres, pratiquement, parce que ça, c'est né dans les années 80 dans la région de Lyon, et là j'ai vraiment, je me suis dit c'est ça que je veux faire, mais vraiment, c'est-à-dire que le moment, on sait quand on est gamin, moi j'ai une fille qui a 18 ans, l'orientation des mômes c'est une galère, hein, savoir qu'est-ce qu'on va leur faire faire, est-ce qu'ils sont bien dans la bonne distance, dans la bonne direction, est-ce que, et moi j'ai tâtonné 2 ans, et là quand je suis rentré dans ce centre, là je me suis dit ok, c'est gagné là, enfin, je veux dire, je vais aller au bout, c'est sûr. Je suis Castelroussin, j'ai toujours habité là. Je n'ai jamais été en disette de culture ici, quoi. Si tu fais rien, c'est vraiment que tu fais pas l'effort, quoi. Moi, je sais que je fais de la musique pour moi, à côté, dans des groupes, des choses comme ça. Jamais je ne trouve pas quelqu'un avec qui jouer. Jamais, enfin, c'est vraiment... Alors après, on est une petite ville, puis c'est vrai que, faut être honnête, la culture n'est une priorité pour personne. C'est-à-dire que la culture, ça diminue, et ça va continuer à diminuer. C'est pas productif, ça rapporte pas d'argent. Donc on est maintenant plus dans une société qui ne fonctionne pas comme ça. Qui ne fonctionne pas pour le bien-être des gens grâce à ça. Parce que c'est une question de bien-être, on en retire que du bien-être de la culture. D'aller voir un spectacle, des trucs, ça fait du bien, ça nous enrichit intellectuellement, mais c'est déjà beaucoup. Mais par contre, moi je trouve que d'avoir une scène nationale, c'est comme Equinox qui fait une programmation conséquente, c'est épaisse, bien que je trouve personnellement qu'il n'y ait pas assez de musique, mais ça, c'est mon côté personnel. Les théâtreux seront très contents de la programmation d'Equinox, donc si ça s'inverse un jour, on a des salles où on a des gens qui se bougent, c'est pas toujours su, mais on a des gens, Belle-Île, ça bouge, il y a quelques endroits comme ça, il y a des gens vraiment qui bougent, qui se bougent, qui font des choses, quoi. Et je trouve que pour une ville de 45 ou 50 000 habitants, c'est pas mal. Les gens qui disent qu'il n'y a rien, c'est que vraiment, ils cherchent pas, quoi. chacun fait son petit truc dans son coin et finalement ça file une diversité où il y en a pour tout le monde. Vive la culture et que ça continue comme ça.